Vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. Blue Note est un label mythique de jazz. Toute son histoire a commencé en 1939 lorsqu'Albert Lyon, juif allemand, fuit les nazis en prenant le dernier bateau pour New York. La même année, il crée le label Blue Note et signe les plus grands artistes de jazz. Et à la fin des années 90, Blue Note a eu l'idée géniale de faire appel à une jeune génération de musiciens pour faire du sampling et des remixes avec de son vieux catalogue. Ce soir, la nuit des temps ouvre grand ses portes à ses remixes et au son Blue Note des origines. Au jazz qui fait danser, qui envoie du love par paquet. Intelligent, benevolent, super, all the qualities of HIC, the alley-oop. My main man and me, we've been cool since day one. Scooping all the fly girls, having all the fun. Score the dope threads and the $100 kicks. Making power moves, so get off my nah. I won't say it, cause it's crystal, it's clear. I get the job done each and every year. Back in school, I used to act the fool. But I rocked an 8 average, so everything's cool. Tool, my pencil, the mic's my utensil. I read the mic check and you can write that in stencil. So you wonder why I made it and your shit is going wrong. Ayo, shoot, I got it going on. I got it going on. And I'll make your day. Radical concepts, that's my choice. Freak it to the music and flow through my voice. So let's face it, it's time to get back to the basics. Sing a simple song that goes on and on and on. I'm climbing to the top just like King Kong. And guess what? I got it going on. C'est le Blue Note Remix. et nous sommes en 1993. Jackson Jr., aka Madlib, est né le 24 octobre 1973 à Oxnard, en Californie. Il débute avec ses potes dans les années 90 en fabriquant du hip-hop très très côte ouest. Dans les années 2000, il mène une double carrière entre hip-hop et jazz. Juin 2003, il accède au catalogue Blue Note et publie un génial album de remix. La nuit des temps, Radio Duo. Yeah. and checking out Madlib as he repossesses some old Blue Note recordings. Checking out my fellow Scorpion, Madlib. Silver a commencé sa carrière de musicien de jazz en jouant du saxophone. Et puis il s'était fait même repérer par un certain Stan Getz et son orchestre. Mais très vite il se met au piano, produit, fonde son propre label et devient avec Art Blakey en 1955 l'un des fondateurs d'un jazz qui revient aux racines afro. Et on appellera ça le hard bop. Et il y a du groove dans sa musique. Il y a du funk aussi. Et ça explique sans doute pourquoi il a été si souvent samplé. Tout de suite là, on écoute Song for My Father. C'est un retour aux sources, c'est le hard bop. Nous sommes en 1964. Thank you. c'est le clubbing du jeudi soir. Mais ce soir, c'est club de jazz. Et c'est Blue Note. Blue Note Remix. Et vous êtes sur Radio Duo. Alfred Lion and Francis Wolff, two German immigrants who founded a jazz record company in 1939 that became very famous in its genre. Unlike any other jazz label, Blue Note Records influenced the evolution of music in sound, style, and technical standards. Each of the Blue Note recording sessions was documented by the photographs of Francis Wolff. Alfred Lion's vision of music and Francis Wolff's clear view of the recording sessions are a legacy of a unique creative achievement that continues to this very day. Les années 70 ira vers le funk, le R&B et les expérimentations légèrement psychédéliques. C'était le cas du trompettiste Donald Byrd, qui aura même usé Hit Dance au Billboard R&B. On se trémousse avec DJ Spina qui dégorge le groove gracieux de Lansanas, Priestess. Et c'est une merveille de 1973. Le remix, lui, est de 2004. C'est la Blue Note Remix. La nuit des temps, l'international de la danse. That he was a catalyst, a walking, living human catalyst. You get him near an artist like Thelonious Monk or Bud Powell, and he instinctively knew that they had it down deep, and he could draw that ability out of them and get it on a record. And he did it by not talking about record sales and commercialism and who the big names on a date. He never got into that. He was interested in you and your thoughts and getting you to have an unrestricted flow of your ideas in his recordings. Not many people have that. And he never made a mistake out of over 1,000 records that Alfred produced in the years that he had Blue Note. Easily 900, 950. Ceci est un remix de Art Blakey. Et c'est US Free qui a eu l'idée en 1993 de pirater le catalogue Blue Note. Le label à l'époque ne s'y est pas trompé et a tout de suite dit oui au producteur londonien Geoff Wilkinson, le zozo de US Free. Oui pour pomper ce qu'il voulait, oui c'était l'occasion pour le label de trouver un public plus jeune, oui il s'agissait de faire bouger ce vieux machin qu'était le jazz, en le frottant avec des producteurs dingues de samples et de rap. Come in late, we are now having a little cooking session. Thank you. Watch me. Because they rhythm it, full rhythm it, nice rhythm it, split rhythm it, shit. Cause I'm some of them are bigger than more than them, not no old bitch. Cause me cooler than them, cooler than ice, cooler than they not food. Cause they want me come test their room, why but them just can't do it. Only they want me tackle, but they want me ill impress. But they know that they have to call a room, why come in life and direct. Get them problem. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Watch me. Cause some of them big, some of them small, some of them are them kinda sweet. None of them girls, them enough what deals, them drugs that look or they talk or eat. Cause they want to be nice, want to be sweet, want to be now and everywhere. Cause me see them at the top of their wrist and they know me just don't care. Because they want to be this, want to be this, want to be now and like or that. Cause they know so they talk or you me just a movie on this spot. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Then the young man just a give them problem. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Watch me. La nuit des temps, Radio Duo. Those of you who come in late, we are now having a little cooking session for Blue Note. right here on the scene, putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us and have a ball. Blue Note a donc été créé en 1939 à New York. Ce sont deux potes fans de musique, Alfred Lion et Max Margulis. Mais il y a un troisième larron qui entre dans la danse. C'est Francis Wolff. Et comme son pote Alfred Lion, c'est un juif allemand qui fuira à l'Allemagne nazie en 1939. Lui, sa contribution à Francis Wolff, eh bien ce sera l'esthétique des pochettes. Il est photographe et va révolutionner le style avec le designer Red Miles. Ensemble, ils vont jouer sur la typo, sur les couleurs, sur les contrastes pour fabriquer des pochettes hyper esthétiques, minimales et d'une classe infinie. Sinon, Blue Note Records, c'est Art Blakey, John Coltrane, Thelonious Monk, Lee Morgan, Sonny Rollins et bien d'autres immenses musiciens. Prenez une pochette, allez-y au hasard, et ouais, c'est que du bon. La nuit des temps, l'international de la danse. Bel exemple de reprise. On retrouve Madlib qui retravaille Morgan Adam. C'est Blue Note Remix. Et vous écoutez La Nuit des Temps. collectif Avaris et Satie, lui, était l'un de ceux qui a travaillé en France au rapprochement du rap, du jazz, de l'électro dans les années 2000. C'était DJ Mehdi et son apport fut phénoménal pour casser les cloisons entre les styles musicaux. Il passait de Booba ou Assassin à la French Touch avec Cassius ou Justice. En 2004, il s'était collé à Blue Note avec ce Footprints composé initialement par Wayne Shorter. Et le jazz n'attendait que ça. Le frottement avec l'électro et le rap pour rappeler à nos bons vieux souvenirs ses origines Bad Boys and Bad Girls. Nous sommes à Paris. Nous sommes en 2004. DJ Mehdi nous quittera à l'âge de 34 ans le 13 septembre 2011. La nuit des temps, Radio Duo. Your love's like fire and ice, baby. That's why we ought to. Et l'on revient à l'un des albums les plus groovy de l'histoire de Blue Note Records. C'est le génial Donald Byrd. Et il s'y colle en 1975. Think Twice. Blue Note est un label qui a prouvé que le jazz pouvait être une danse, que les disques pouvaient être beaux et que les musiciens pouvaient fabriquer une avant-garde qui n'a jamais, jamais, jamais, jamais empêché le groove. Alors il est temps pour nous de refermer les portes de notre bon vieux club qui avait des allures de club de jazz ce soir sur ce Blue Note remix qui nous a plutôt emmené dans ce club de jazz qui parfois pouvait tourner au funk. Et c'est du jazz comme on l'aime. On danse dans un club de jazz. Un club qui a mêlé les sons de l'époque, mais aussi les revisites des années 90 et 2000. Moments pendant lesquels le hip-hop a croisé le jazz et l'inverse. « Ce soir, nous avons reçu sur notre dance floor les pirates anglais de US Free dans les années 90, sans qui toute cette histoire ne serait pas arrivée. Également Madlib, 10 ans plus tard, sans qui cette histoire de remix ne se serait pas poursuivie. Également le pianiste et saxophoniste Horace Silver, les prières de Gigi Spina, Marcus Vallée parce que le jazz sans le Brésil ne serait tout simplement pas du jazz. Il y avait aussi DJ Mehdi parce que la musique est une longue histoire de lutte pour faire tomber les cloisons, et DJ Mehdi était l'un de ceux qui en a fait le plus tomber. Et oui, c'est une lutte, et ça nous parle plus que jamais aujourd'hui. Il y avait également Donald Byrd, car c'était sans doute le chaînon manquant entre le jazz et le funk. Et là est là, tout de suite, pour nous accompagner, pour se dire au revoir, le génial Grant Green et son Suki Suki. C'était la nuit des temps sur Radio Duo. Et avant quelques bonus pour atteindre 22h, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on penche la tête par-dessus la terrasse de Duo pour essayer d'apercevoir le pylône de Radio Duo qui envoie ses bonnes ondes dans le ciel de Saint-Étienne. Et ça donne quoi ce soir ? Eh bien, ce soir, on dirait qu'il y a de l'orage dans l'air. Oui, oui. Mais attention, n'oublie pas, il ne faut jamais oublier que même sous les nuages, par-dessus, il y a toujours les étoiles qui scintillent. Et ce sont nos bonnes étoiles, envers et contre tout, dans ces périodes troubles. Alors on se dit Suki Suki. Alors on se serre les coudes pour vivre tous ensemble. Et ça, d'où que l'on vienne, qui que l'on soit, et quelles que soient les musiques qu'on écoute. Buena Noté, Buena Blue Noté, Buena Blue Noté Records, salut! deux minutes sur Radio Dio, il sera précisément 22h, l'heure des bonus.